Chapitre 13e. Trois mois se sont écoulés depuis le jour où les Robinson de la Guyane, enfin réunis après de multiples tribulations, rentrèrent en possession de leurs appareils si mystérieusement enlevés. Leur nombre s'est encore accru, comme on peut facilement le supposer. Miss Lucy et Miss Mary, devenues orphelines, ont été adoptées par l'ingénieur et sa femme. Les pauvres enfants ont perdu leur mère quelques jours après leur arrivée à l'habitation. Mrs. Brown, brisée par les fatigues endurées au cours de ses interminables voyages, a été emportée par le retour d'un accès pernicieux à forme congestive que n'ont pu conjurer les soins les plus dévoués et les plus éclairés. L'infortunée mère eut comme une lueur de raison au moment fatal. Elle put saisir les mains de Madame Robin et implorer d'un suprême regard sa protection pour les jeunes filles. « Elles seront mes enfants, » murmura l'oreille de la mourante, la femme de l'ingénieur. Ces promesses solennelles, ces quatre mots prononcés par la noble femme avec l'accent que seule peut trouver une mère, rassérénèrent les traits de l'agonisante et adoucirent l'horreur de ces derniers moments. Elle expira doucement en fixant sur les deux jeunes filles affolées de douleur un regard d'amour et de regret. Madame Robin, depuis cet instant fatal, n'a pas failli à sa tâche. Lucy et Mary tiennent dans son cœur une place égale à celle de ses quatre fils et nul parmi eux ne se trouve à l'étroit. Tant cette sublime créature, uniquement créée pour l'amour, possède de tendresse maternelle. Les jeunes Robinson, ravis de l'accroissement de la famille, professent pour leur sœur une affection qui va jusqu'à l'adoration. Nicolas, les deux Bonnie, le vieil Angosso et la bonne Ageda, les vénèrent comme des divinités. L'on est sans nouvelles de Peter Paulus Brown, bien que le maniaque ait été l'objet de longues et minutieuses recherches. Quelque minime que soit l'intérêt porté par les colons à ce personnage peu sympathique, il est le père des deux jeunes filles. Cela suffit largement à le rendre quand même intéressant. Gondet est également devenu un Robinson. À tout péché, miséricorde. Le pauvre homme a rudement expié depuis 20 ans un moment d'égarement. Son péché de jeunesse est pardonné. Il est devenu l'intendant de l'habitation et ses connaissances spéciales en agriculture le rendent bien utile à la colonie. Monsieur du Vallon est guéri. Il a repris avec sa fière mine sa vigueur d'autrefois. C'est un homme instruit, distingué, laborieux et foncièrement honnête. Il a su, et avec juste raison, se concilier l'estime et l'affection de tous les membres de la colonie. Il a demandé sa naturalisation de Robinson guyanais, et Robin, ainsi que ses fils, se sont empressés d'accéder à son désir. Il a pu se convaincre de l'erreur géographique commise lors de la première installation du placeur réussite. Il a de fort bonne grâce, reconnu que le terrain ne lui appartenait pas et s'est empressé d'informer ses associés. Cette erreur, jointe à la catastrophe survenue au cours de l'exploitation, eût été pour eux un irréparable désastre si l'ingénieur, toujours loyal, ne les eût largement désintéressés des sommes versées pour les travaux précédemment exécutés. M. Duvallon est comme jadis le directeur du placer réussite et d'ici peu de jours, cette situation ne constituera pas une sinécure. En effet, plusieurs expéditions ont été heureusement tentées sur le champ d'or. Une 50aine de travailleurs, échappés à la catastrophe, dont les premiers chapitres de notre histoire contiennent le récit, ont été engagés pour le compte de la nouvelle exploitation. Ils ont été copieusement approvisionnés, et depuis 2 mois déjà, ils s'emploient à tout remettre en ordre. Les cases sont en partie reconstruites, le terrain est déblayé, le feu a consumé les arbres abattus. Tout est prêt pour recevoir les 150 à 200 mineurs ou convoyeurs incessamment attendus de Cayenne. Les magasins sont remplis et Marius, le bachelier de Mana, a repris son poste de magasinier. L'intrépide chef des Robinson de la Guyane est à la veille de recueillir les fruits de 20 ans de travail. Demain, la terre de la proscription sera régénérée. L'abondance règne partout. Les ouvriers peuvent arriver de tous les points de la colonie. Ils trouveront non seulement le nécessaire, mais encore le superflu. Les désastres, comme ceux de Kourou, ne sont plus à redouter, car des milliers d'animaux fièrement encornés s'ébattent dans de gras pâturages qu'ils tondent avec cet appétit indiquant la santé. Des centaines d'hectares, ensemencés de manioc, d'igname, de patates, n'attendent plus que la récolte. Les coulis hindous, passés maîtres en agriculture, évoluent gravement à travers les champs, mêlés à quelques porcs rouges dont les habitudes nomades se sont fort bien accommodées des fonctions de pasteurs. Les jaguars, les onces, les léopards et les pumas, fourfriant de génisses et surtout de veaux, n'ont qu'à bien se tenir, car les braves galibis, patients à rendre des points à des bonzes, mais audacieux en conséquence, ne se font pas faute de les larder de flèches mortelles empoisonnées de curares. Tout est donc agencé de main de maître. C'est ainsi qu'il fallait procéder, et c'est ce que l'on n'a jamais fait sérieusement depuis l'expédition du capitaine Laravardière. De là, l'injuste discrédit jeté sur la Guyane, cette admirable terre toujours méconnue par la faute des hommes et des événements. Quelque rassuré qu'il soit sur les éventualités futures, Robin n'est pas sans quelques appréhensions relatives seulement à l'exploitation de l'or. Le souvenir des événements passés lui donne de vagues inquiétudes. Les mystérieux ennemis qui ont ruiné la première exploitation ont-ils renoncé à leur projet? Répartent-ils leurs forces et augmentent-ils leurs moyens d'action en vue d'une nouvelle tentative? Et cet audacieux inconnu, cet homme aux multiples déguisements, ce protée insaisissable qui commande à certains Indiens, quel est-il? Qu'est-il devenu? L'intervention de l'élément civilisé combiné à l'élément sauvage est en effet indubitable. Si, d'une part, ce blanc a usé lors de sa tentative de stratagème habituel aux hommes de sa race, d'autre part, les emblèmes de Mamandilo, la vieille fée malfaisante de la Guyane, n'ont pu être posés que comme épouvantail par des êtres primitifs, et cet homme, couvert d'une peau de tamanoir sur lequel l'Omi a fait feu au confluent de la Crique et du Maroni, somme toute, cette association étrange de moyens disparates, ce mélange de sauvagerie et de civilisation, cette combinaison de moyens divers, appliqués à une même entreprise criminelle, donne à réfléchir à Robin. Puisque les mystères de la forêt vierge sont toujours impénétrables, il faudra user de vigilance et s'attendre à tout. L'on n'y manquera pas, car les Robinsons se tiennent pour avertis. Dans 3 jours commencera en grand l'exploitation de l'or, concurremment avec l'exploitation agricole qui est son indispensable élément. Avant de parler des procédés employés par nos amis pour la récolte du précieux métal, avant de les suivre au placer réussite, il est urgent de raconter la façon dont s'opèrent les travaux préparatoires d'une exploitation aurifère. Les Robinsons allant travailler sur un champ d'or tout agencé, nous donnerions une fausse idée de cette industrie si peu connue en Europe si nous passions sous silence la série de fatigues et de privations endurées, de dangers courus pendant de longs mois, ainsi que les sommes considérables souvent dépensées en pure perte par les mineurs avant de récolter un grain d'or. Nous allons suivre le chercheur d'or depuis le moment où la carte de la Guyane sous les yeux, il cherche dans le bassin de tel ou tel fleuve un terrain à sa convenance et dont nul ne peut revendiquer la possession. Son choix opéré, il se rend à la direction de l'intérieur, bureau du domaine, et demande un permis de recherche dont l'obtention est toujours accordée. On comprend sans peine que pour éviter les erreurs, les compétitions et les usurpations, l'État garantit aux particuliers la propriété des concessions temporaires ou définitives. Le permis de recherche est valable pour 1 an. Il doit être renouvelé au bout de ce temps, sinon le terrain retombe dans le domaine public. Un avis conçu dans les termes suivants est publié au Moniteur de la Guyane française, fort irrévérencieusement nommé Bacalio par les habitants. Conformément à l'article 11 du décret du 18 mars 1881, réglant la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères à la Guyane française, M. X, domicilié à Cayenne, informe qu'il a fait la demande à la direction de l'intérieur, bureau du domaine, le du mois de 1881, suivant l'inscription, d'un permis de recherche pour l'obtention duquel le géomètre arpenteur lui a délivré le plan le du mois de 1881 sous le numéro 170 et quelques. L'étendue et les limites du terrain qui fait l'objet de cette demande, ainsi que l'indication du point de repère admis par l'administration, ont été ainsi précisées par ce fonctionnaire. Terrain de 5000 hectares, situé dans la commune de X et dépendance, borné au nord par M. A, au sud par M. B, à l'est, par 2 terrains à M. C, à l'ouest, par le domaine. A pour point de repère, par exemple, le Sceau à Hermina pour l'alignement nord, et la ligne des 2 fromagers pour les alignements Est et Sud, est une portion du privilège délaissé par messieurs D et F. Les personnes qui se croiraient fondées à réclamer contre l'attribution de ce permis ont un délai de 30 jours francs à partir de ce jour pour former leurs oppositions. Article 12 du décret du 18 mars 1881. Le mineur, avant de partir en prospection, doit tout d'abord engager les travailleurs noirs ou hindous qui l'accompagneront. Il les choisira autant que possible jeunes, vigoureux, honnêtes et surtout experts au rude métier de chercheurs d'or. Leur nombre sera de 6 au minimum et leur salaire de 5 à 7 francs par jour, plus la nourriture. L'engagement est de 6 mois. Ils touchent d'ordinaire, à titre d'art, 150 à 200 francs qu'ils ont la douce habitude de dépenser jusqu'au dernier sou avant le départ. Pendant qu'ils bourlinguent à travers les lieux de plaisir, le chef de l'expédition se met en quête de provisions. En n'emportant que le strict nécessaire et en ne donnant à ses hommes que la ration imposée par le gouvernement colonial, il lui faudra, pour assurer leur subsistance pendant 6 mois, couac 1400 kilos, bacalhau 450 kilos, lard 150 kilos, tafia 150 litres, sindou 55 kilos, tabac en feuille 35 kilos, du sel, du poivre, des épices, etc. La plus élémentaire prudence lui commande d'augmenter ses quantités d'un tiers au moins afin de parer à toutes les éventualités. Si le mineur est européen et qu'il ne puisse s'accommoder des vivres dont les hommes de race noire ou hindoue font leur usage habituel, il devra se munir de farine en beaucoup, de conserves alimentaires, de sucre, de café, de thé, surtout de vin, s'il veut éviter l'anémie. Ne pas oublier un caisson de médicaments, purgatifs, antiseptiques et surtout de la quinine. Les effets de campement et d'habillement consistent en une couverture, un hamac et quelques vêtements de rechange en toile. Chaque homme sera muni d'une pelle, d'une pioche, d'un sabre d'abattu, d'un couteau et d'une hache. Des outils seront en outre tenus en réserve pour les besoins ultérieurs, ainsi que des armes, des munitions et plusieurs bâtés ou plats de bois servant à laver l'or. Les préparatifs sont enfin terminés. Le chef de l'expédition a surveillé l'arrimage de sa cargaison qui a pris place, soit dans les cales du Dieu Merci, le joli vapeur de la compagnie Séide, qui 3 fois par mois fait le voyage du Maroni avec escale à Sinamari et à Mana, soit dans une tapouille, une goélette guyanaise, s'il se dirige vers la Prague ou l'Oyapok. Les hommes arrivent un à un, comme à regret. Ils se font, comme on dit vulgairement, tirer l'oreille au moment de dire adieu à la vie civilisée et de se lancer pour 200 longs jours à travers l'inconnu. Le chef est déjà sur le pont. Il est coiffé du large feutre gris des mineurs, vêtu d'une veste et d'un pantalon de toile bleue, et les flancs tourés d'une large ceinture de laine rouge. Il gourmande les retardataires qui ne peuvent se séparer de leurs compères et surtout de leurs commères. Le sifflet du Dieu Merci déchire l'air, où la fleur de mer se couvre de voiles. On part, on est parti. Tel est le prologue de toute prospection de moyenne importance. Le chercheur d'or n'a eu jusqu'alors qu'à dépenser un peu d'argent et d'activité. Le chiffre des avances s'élève à 1200 francs. L'acquisition des provisions et des outils dépasse 2500 francs. Le prix du voyage avec le transport des hommes et de la cargaison est d'environ 250 à 300 francs. Les dépenses brutes de la prospection se chiffreront donc par un minimum de 10 000 francs, y compris les appointements des ouvriers à raison de 5 francs par jour pendant 6 mois. Admettons que le permis de recherche ait été accordé pour le bassin du Maroni. Le Dieu Merci a jeté l'ancre devant Saint-Laurent après un voyage de 3 jours, escale comprise. Aussitôt arrivé, le prospecteur se met en quête d'embarcations qui devront le conduire avec ses hommes et ses provisions jusqu'au point le plus rapproché de sa concession. C'est en ce moment un transporté libéré, nommé D, qui entreprend le service de la batellerie entre Saint-Laurent et le Sceau et Hermina. Il faut opérer le transbordement de tout cet attirail, et ce n'est pas, croyez-le bien, une petite besogne que l'arrimage dans les canaux du libéré des 3000 et quelques cent kilos composant la cargaison. Mais la devise du chercheur d'or étant « patience et travail », il met sans désemparer la main à la pâte et prêche vaillamment l'exemple. Tout cela n'est rien en comparaison des fatigues et souvent, hélas, des déboires qui l'attendent. Il arrive au bout de 24 ou 30 heures au Sceau Hermina que ne peuvent franchir les bateaux du transporté. Les pirogues des Bauches ou des Bonnies peuvent seules effectuer cette traversée plus effrayante que périlleuse et avec laquelle on est bientôt familiarisé. Second transbordement compliqué du fractionnement des denrées. Une pirogue contient un baril de couac avec des damjanes de tafia, une autre des outils avec du bacalhau, une troisième le lard et les bagages. Le rapide franchit, la troupe approche de la concession. Mais les beaux jours sont finis, et les difficultés croissent en raison de la proximité de l'Eldorado tant rêvé. Enfin, voici la crique donnant accès au bassin secondaire aux environs duquel sont les terrains. Le mineur consulte son plan, s'oriente, et les embarcations quittent le Maroni. Les points de repère vont dorénavant lui manquer. Il n'aura plus que sa boussole pour le guider à travers l'immense inconnu. Un rapide l'arrête bientôt. Il faut, pour le franchir, décharger la cargaison, la fractionner par charge de 25 kilos que les hommes transportent sur leur tête en amont du seau, en suivant les berges. Partout, d'inextricables lianes arrêtent leur marche, le terrain cède sur leurs pieds, les épines trouent leur chair. Qu'importe, ils marchent sans s'arrêter, sans broncher, sans se plaindre, précédés du chef qui ouvre la voie à grands coups de sabre. Les pirogues vides, alliées avec des câbles, remontent la barre sur laquelle se brisent impétueusement les eaux. La cargaison est arrimée de nouveau et les pagaies, manœuvrés à tour de bras par les noirs bateliers, font entendre leur clapotis monotone. La nuit vient, amenant un impérieux besoin de repos. Un carbet est rapidement construit, le feu pétille et le dîner qui mijote déjà est absorbé avec l'appétit que l'on peut croire. Une rasade de tafia, accompagnée d'une bonne pipe de tabac américain, termine ce festin d'anachorète. Puis, les travailleurs exténués s'étendent dans les hamacs d'où s'échappent bientôt de multiples bruits de contrebasse. La seconde et la troisième journée ressemblent absolument à la première, avec cette variante que la troupe doit franchir de rapide au lieu d'un. Cela dure quelquefois 10, 12 et 15 jours. Oh, les interminables journées de canotage, qu'il faut passer assis, accroupi plutôt, sur une planchette large de 15 cm formant le banc, immobile, de peur de troubler l'équilibre de la pirogue chargée à couler bas, assommé par la chaleur, suffoqué par l'air embrasé, aveuglé par la sueur. De quelle chair aux fibres d'acier sont donc pétris ces hommes qui trouvent la force de manier la pagaie sans trêve ni merci, ou de porter sur leur tête des fardeaux écrasants alors que la marche seule ou le poids d'une arme est une torture pour l'Européen. Le transport par canot est terminé. La crique s'enfonce dans le sud et la future exploitation se trouve à l'est. Il faut changer de direction. Les pagayeurs congédiés et payés, les mineurs doivent demander à leurs propres forces les moyens de transport. Ils bâtissent sur la rive un carbet devant servir de magasin provisoire et dans lequel sont déposés les instruments, les vivres, les effets. Les terrains sont situés à 20 km dans l'est. Le chef consulte de nouveau son plan, s'oriente à la boussole et commence à tracer au sabre une ligne qui, s'il ne survient nulle entrave, doit aboutir à la concession avec une rectitude géométrique. Il précède les 6 hommes qui partent, en portant sur leur tête chacun une charge de 25 kilos. L'œil toujours fixé sur l'aiguille aimantée, la main crispée sur la poignée du sabre, il s'avance, coupant sur sa droite et toujours du même côté les branches et les lianes qui s'opposent au passage. Quand le prospecteur juge à l'estime que la moitié de la distance est parcourue, il commande la halte. Les hommes bâtissent un nouveau carbet qui sera l'entrepôt. Le lendemain et les jours suivants seront employés à apporter à ce carbet tous les objets laissés au dégrade, au débarcadère de la crique. Quelle fatigue, quelle lutte de tous les instants pour transporter sans interruption ces lourds ballots à travers la forêt inexplorée, hérissée de plantes géantes, aux épines acérées, coupées de ruisseaux baseux, semées de fondrières ou mamelonnées de collines escarpées. Pendant ce temps, le chef ne reste pas inactif. Il sait bien qu'il ne pourra jamais arriver en suivant une direction rectiligne. Il cherche une voie, contourne une montagne, abat un arbre devant servir de pont, consume des broussailles inextricables, trop heureux quand, trempé par les averses diluviennes de l'équateur, la face en lambeaux, les mains crevées d'ampoules, il n'arrive pas après une journée entière de labeur écrasant devant un marais sans fin ou un pris aux eaux dormantes et traîtresses. Il faut pourtant passer. Alors commence la lutte, la vraie lutte, contre l'infiniment grand, et dans laquelle il triomphe à force de patience et d'audace. Il va, il vient, tourne, cherche, oblique, revient, et finit quand même par trouver une issue. En dépit de ses allées et venues, il n'a pas perdu sa direction, et du milieu de cet inextricable lacis, l'habile chercheur de pistes s'élance vers le but que seul il a pu trouver. La route du dégrade au Champ d'Or est désormais tracée. Il est parti de Cayenne depuis plus de 5 semaines déjà, et sa cargaison tout entière est à l'abri sous un troisième carbet bâti en pleine forêt sur son terrain. Quelle fatigue pour atteindre ce premier résultat. 40 jours entiers employés à trouver la concession et assurer la subsistance de cet homme. L'on se rappelle que les grands bois n'offrent aucune ressource. Mais l'or ? Demandera le lecteur. Patience, nous ne sommes pas au bout. Voici donc le prospecteur chez lui. Il a bien calculé sa direction, son orientation est bonne, tout porte à croire qu'il n'a pas commis d'erreur. Ces hommes valides, bien gaillards, c'est l'expression guyanaise, ne demandent qu'à marcher. Le travail proprement dit de la prospection va commencer. Le chercheur d'or, qui procède toujours avec méthode, part explorer un des points quelconques de sa concession. Ces hommes emportent avec leur hamac et leurs outils 8 jours de vivres. Il est à présumer que la concession comprend plusieurs bassins qu'il faudra relever l'un après l'autre. Voilà une crique aux eaux vives, serpentant capricieusement entre 2 murailles d'arbres géants, qui forment comme une voûte immense au-dessus d'elle. Les terrains qui avoisinent la crique jusqu'à une distance de 10, 20 ou 30 mètres contiennent-ils de l'or? Et quelle est, approximativement, la richesse du gisement? Ces deux questions seront bientôt résolues. Il faut tout d'abord côtoyer le ruisseau, et ce n'est pas chose facile, surtout pour des hommes pesamment chargés, qui doivent évoluer sur un terrain hérissé de végétaux monstrueux, auxquels s'enlacent d'inextricables torsades de plantes parasitaires. La rude et monotone manœuvre du sabre d'abattu se continue sans interruption, et les porteurs s'avancent à grand-peine en butant sur les racines, se heurtant aux arcabas, trébuchant le long des troncs morts allongés sur le sol. Qu'importe, puisqu'ils passent. Ils s'arrêtent en plein bois, déposent leurs fardeaux, saisissent leurs outils et creusent le premier trou de prospection. C'est une fosse longue de 2,50 m, large de 80 cm et d'une profondeur variable déterminée par le plus ou moins grand éloignement de la couche aurifère. Après avoir sabré les végétaux et débarrassé tant bien que mal l'emplacement, 2 hommes attaquent vigoureusement la couche d'humus recouvrant le gravier aurifère qui est du quartz désagrégé. L'un pioche, l'autre déblaie à la pelle, pendant que 100 mètres plus loin, le prospecteur nettoie un autre emplacement et installe 2 autres hommes chargés de creuser le second trou. Les 6 hommes sont bientôt à l'ouvrage. Les coups retentissent sourdement à travers l'interminable sous-bois. Leur vigueur athlétique et leur indomptable énergie ont bientôt raison des chicots et des racines implantées dans le vieux limon primitif. Le gravier aurifère au ton gris bleuâtre apparaît au fond du trou. Le chef attend ce moment avec l'angoisse qui étreint le joueur devant le tapis vert, pendant que la bille d'ivoire accomplit ses révolutions. Mais combien les émotions de cet homme qui joue perpétuellement son batou, dont la vie est à chaque minute en péril, sont autrement poignantes. Il passe au piocheur, qui emplit aussitôt sa battée. C'est un plat rond en bois dur, épais de 6 à 7 mm, large de 45 cm, creusé en forme de cône très évasé et profond au centre de 8 cm. La battée et le sabre forment l'indispensable vade-mecum du chercheur d'or. Elle confie régulièrement 10 kg de gravier aurifère. Le chef, chargé de son précieux fardeau, s'en va à la crique, s'accroupit au beau milieu de l'eau, enlève d'abord un à un les fragments rocheux, puis immerge jusqu'au bord sa battée à laquelle il imprime des mouvements circulaires assez comparables à ceux d'un crible. Un petit tourbillon se forme au centre de l'instrument, et l'eau, chargée des débris terreux, s'échappe tangentiellement grâce à ce mouvement giratoire qui se continue jusqu'à épuisement de la masse. La battée est bientôt vide. Le regard ne perçoit encore nulle parcelle d'or, mais un petit amas noirâtre formé de corpuscules vaseux. Le mineur remplit alors d'eau pure sa battée à laquelle il imprime un balancement rapide, grâce auquel le liquide s'écoule très vite. Un coup sec appliqué au bord de l'instrument avec la paume de la main termine la manœuvre, et la poudre d'or, débarrassée des dernières impuretés, apparaît comme une coulée de lumière sur la paroi brune de la battée. Cette petite opération, toute simple qu'elle paraisse, exige une adresse et un tour de main qui s'acquiert à la longue et auquel un profane n'arrive qu'après de nombreux et infructueux essais. On comprend sans peine l'importance de ce travail, qui est à la fois l'analyse quantitative et qualitative des terrains. Le mineur, il est vrai, ne peut se servir d'aucun instrument de précision, mais telle est la sûreté de son coup d'œil et de sa main, que jamais il ne perd une parcelle de métal pendant le lavage, et qu'il apprécie la valeur de l'or contenu dans sa bâtée avec autant de justesse que s'il possédait la meilleure balance. Les quantités infinitésimales, se chiffrant par une valeur de 25 centimes, comme celle qui s'élève jusqu'à 5 francs et plus, sont évaluées au milligramme près. Le premier lavage terminé, le trou de prospection est abandonné. Le chercheur d'or lave une seconde bâtée au second trou, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait reconnu de la même façon le bassin de la crique et ses affluents. La quantité de trous de prospection creusés et de bâtées lavées est innombrable, avant de pouvoir établir la moyenne de la largeur, de la profondeur et de la richesse de la couche aurifère. Le plan de la crique est relevé sur le papier, sa direction est indiquée, les trous eux-mêmes sont numérotés avec le rendement de chaque bâtée. Le bassin d'une seconde crique est abordé sans désemparer. Les terrains sont traités et en quelque sorte échantillonnés par le même procédé. Les côtes sont relevées, la configuration avec la nature du sol, ses élévations, ses dépressions sont indiquées et les moyennes établies. Quand le mineur a parcouru sa concession de l'est à l'ouest et du nord au sud, quand il a pendant près de 4 mois sabré, creusé, lavé, additionné, multiplié, divisé, il connaît non seulement la surface des zones aurifères de chaque cours d'eau, mais encore le volume approximatif des couches métallifères et leur rendement par mètre cube. La prospection est terminée, il sait si la concession est assez riche pour être fructueusement exploitée. Il faut alors penser au retour. Ce rapide aperçu du travail préparatoire de toute exploitation aurifère ne saurait, quelque exact qu'il soit au point de vue professionnel, donner une idée du labeur écrasant accompli par le mineur. Le lecteur européen pourrait-il concevoir les fatigues, on pourrait dire les tortures, endurées par ces 7 hommes qui, pendant 6 mois, séparés du reste du monde, submergés par une mer de végétaux, respirant les miasmes mortels des grands bois, couchant à la belle étoile, passant leur journée dans les eaux glacées des criques, vivant de salaisons trop souvent avariées par l'atmosphère malsaine de la forêt, grelottent de fièvre et accomplissant quand même leurs tâches. Une des souffrances les plus intolérables peut-être, celle causée par un ulcère malin qui s'attaque aux jambes est connue en Guyane sous le nom de pied en bois. Le séjour prolongé dans l'eau, l'insalubrité du brouillard, l'usage de salaison donnent à cette affection son caractère de malignité, encore augmenté par le contact fréquent de la plaie avec les lianes ou les basses branches taillées en biseau par le sabre d'abattis. Il naît de chercheurs d'or dont les jambes ne soient couturées de terribles cicatrices, consécutive à d'énormes pertes de substances musculaires. Le pied en bois, la fièvre et l'anémie, tel est le triple fléau avec lequel doit compter le prospecteur. Hâtons-nous de dire qu'il le brave avec une audace et le souffre avec une constance réellement admirable. Pour le mineur, les accidents les plus imprévus, les catastrophes les plus soudaines, les maladies les plus dangereuses ne sont que de simples incidents qui ne sauraient abattre un seul instant son indomptable énergie. Il en est qui se sont trouvés malades et sans provisions sur des points perdus de la Haute-Guyane, non loin des montagnes de Tumucumac. Vous avez bien lu, sans provisions au milieu de forêts guyanaises où les Indiens eux-mêmes ne peuvent trouver leur subsistance et meurent de faim quand les récoltes manquent. Tels, messieurs Gazal et Labourdette, qui les premiers ont découvert l'or dans le bassin du Maroni. Ils sont restés 3 années entières sans rentrer à Cayenne. Ils ont vécu, entre autres, pendant 5 semaines, de bananes vertes et de choux patawa. Leurs souffrances ont été terribles. Secoués par la fièvre, les jambes rongées du pied en bois, le ventre ballonné par l'absorption constante des bananes, ils n'avaient pour varier leur ordinaire que les fruits du koumou, le Nocarpus bacapa, petite baignoire, de la grosseur d'une forte cerise qui, cuite dans l'eau et écrasée, forme une bouillie susceptible à peine de tromper la faim. De temps en temps, ils trouvaient des noix de Brésil, Bertholletia excelsa, des pignons d'Inde ou des pommes à cajou. Bien que l'usage de ce dernier fruit ne soit pas sans danger, il fallait bon gré malgré s'en repaître, en ayant toutefois la précaution de le faire griller sur les cendres et d'éviter le contact du noyau qui contient un principe corrosif amenant une violente inflammation des lèvres et de la bouche. La rencontre d'une tortue était une aubaine imprévue et la capture d'un aymara équivalait à une bâtée pleine d'or. Ils firent de la sorte 5 prospections infructueuses et ne réussirent qu'à la sixième. Quand, après une longue suite de succès et de revers, le prospecteur a vu ses efforts couronnés, il rentre à Cayenne avec ses documents et s'occupe de trouver les capitaux indispensables à l'exploitation en grand de sa concession. Nous allons voir en quoi consiste cette industrie qui pourrait et surtout devrait, en quelques années, faire de notre colonie l'heureuse rivale de la Californie et de l'Australie.